Radio Plus Productions présente. On va se marrer. Salut à toutes et à tous, on va se marrer comme chaque semaine avec nos deux équipes. Une bonne nouvelle, à ma gauche, nous avons le Jurassic Park des ondes. Ouais, ça recommence. 80% de ces blagues sont censurées et ne sont pas diffusées. On les part si sous le manteau. Vous pouvez vous les procurer sous le manteau. C'est pas du club. Bonsoir les filles. C'est plutôt sous la blouse à la maison de retraite. Il commence toutes ses histoires par « C'est l'histoire d'une pute ». GG. Et alors, le troisième lardon de l'équipe n'est pas encore arrivé. Oh, c'est un vieux cochon. Oui. Parce qu'il est bloqué, on nous a dit, dans une manif. Ah oui, il est bloqué sur le Paris. Il est sur un parking de routier. Mais non, GG, tu sais bien. Il est bloqué sur le périph' parce qu'il y a une manif d'ostréagriculteurs. Je crois qu'il était avec un âne, moi. Oui, oui. C'est bien la première fois qu'il se fait bloquer par une vieille moule. Alors, pauvre Maurice, s'il nous écoute. Il nous écoute dans la voix. Oui, on peut l'applaudir. Donc, on l'attend dans quelques instants. Oui, bonsoir. Alors, la deuxième équipe, avec un passager, de temps en temps, il vient. Il vient généralement que quand il y a des filles dans l'émission. Je ne savais pas. Là. Oui. Manu. Merci. Il a choisi la bonne équipe. Et alors, un autre permanent de l'émission, c'est quelqu'un que nous aimons beaucoup. Tous ses spectacles font un carton. Ah oui. Le dernier, c'était à Montfermeil, c'est ça? Non, c'était où? C'était à Villiers-le-Bel, le dernier. Ah bon? Ah, on a rigolé. C'était à la santé. Non, c'était à Villiers-le-Bel, je vous conseille. Hein, il y avait des gens formidables. Ce qui était bien, c'est que tu as réussi à te faire brûler la voiture sur le parking depuis le temps que tu voulais contre la. Non, tu veux, je te dis, le meilleur de la soirée, c'est quand on est parti. Frédéric Coster. Et un invité, un invité grâce à Frédéric, qui a quand même beaucoup de relations dans tous les théâtres parisiens. Non. Grâce ou à cause, ça on verra. Ça, on le dit en fin d'émission après. Hein. J'ai beaucoup de relations dans tous les théâtres parisiens, mais qu'une fois par soir, parce que ça m'épuise. C'est Rémi Deval. Ah, bonjour. Bonsoir. Alors, Rémi est à l'affiche de La Petite Loge à Paris. Théâtre qu'on connaît bien parce qu'on y a été d'ailleurs voir le spectacle de Frédéric. Puis on a vu plein de spectacles à La Petite Loge. Est-ce qu'on a vu Claire Toucourt? Ah oui, vous avez vu qui à La Petite Loge? Claire Toucourt. Claire Toucourt qui est même metteur en scène dans ce spectacle. Ah bah en plus Donc Rémi a un spectacle à La Petite Loge qui s'intitule Rémi avec un hic. Oui, c'est ça. C'est ça Mais combien est-il? Alors, combien es-tu? Ah bah je suis j'interprète plusieurs personnages complètement cons. Oui. Oui. Et voilà. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Ah bah il y en a un qui, il y a un inventeur qui a inventé un orgue de barbarie qui marche au papier toilette. Oui. Il y a un mec qui écrit son autobiographie, mais il a une vie de merde, donc il utilise autre chose. Ah. Il utilise aussi papier toilette pour écrire. Oui. C'est un spectacle que tu as écrit, dont tu as écrit les textes. Oui c'est ça. Je suis l'auteur du spectacle et mis en scène donc par Claire Toucourt. D'accord. Et alors c'est tous les dimanches, lundi et mardi à 20h. À La Petite Loge, à Paris. C'est ça, métro Saint-Georges. Éventuellement, tu as prévu d'aller voir nos amis en province? Pas pour l'instant, je vais me roder à Paris et puis on verra par la suite. Bon, parce qu'on est quand même très écoutés en province et chaque fois, les auditeurs attendent que nos invités viennent les voir. Dans l'émission, il y a des questions, il y a des jeux, il y a des épreuves. Oui, mais cette émission est une épreuve. Il y a des insultes. C'est aussi, oui. Là, c'est pour les insultes, on l'attend Maurice. Voilà. Et la première épreuve de la soirée, c'est donc de baptiser les deux équipes pour que les auditeurs puissent suivre. Alors, cher Rémi, comment peux-tu appeler les équipes? Alors, Rémi, tu la tiens bien. On l'a pas dit, hein. L'émission est animée par Philippe Pénaud. Oui, j'ai important de le dire. Et j'ai oublié de dire qu'elle était réalisée par Davy. En plus, aussi. Ah ben si lui il réalise comme toi tu parles, on n'est pas dans la merde. Ah bah oui, il y aura des coupures. Hein. Ah oui, beaucoup alors. Alors l'équipe de Bob du club, GG et Maurice qui va arriver dans quelques instants sur son tracteur. Ouais. Comment tu les appelles? Bon, on va dire les naturistes. Ah, merci. Arrête, j'ai des visions là. Oh non. Et alors votre équipe, les voyeurs. Je vais pas tarder à vomir. Bon, bon, eh bien voici pour commencer la première question. Ah. Une question à laquelle Bob va évidemment répondre immédiatement. Comment s'appelle la fille préférée du roi Lear? Je sais pas ça, moi. Je connais le roi Lear, mais... Il y en avait plusieurs si, oui, il est italien, non? Comment s'écrit Lear? Avec un Y. Avec un Y? Non, c'est pas le roi Lear, la Lear, je sais pas. Alors, comment elle s'appelle? Léar, c'est le roi Léar. C'est Geneviève, non? Geneviève? Oui, tu sais, avec son chapeau. Guenièvre, peut-être. Non. Non, c'est un prénom beaucoup plus composé, beaucoup plus difficile et qui n'est pas répandu. Hein. Cunégonde, on va dire. Nous. Jeanne Bernadette non. Cunégonde. Non plus. Bah. Alors, pour vous aider, oui, nous. Ça va nous aider. Je vais vous aider quand même. On va essayer de décliner. Il est usité encore. Absolument pas. Non, non, non, non, c'est un vieux prénom. Oui. Oui. Moyen-âgeux. Oui. Anglo-saxon. Mouchroun Ben Loukoum. Non, c'est pas breton, breton plutôt, non? Alors, je vais essayer de vous trouver des choses qui vont vous aider. Oui. Ah oui, ça on va nous aide. Voilà, on va décomposer le prénom. La première partie du prénom, c'est un mot qu'on n'a pas le droit de dire sur ce plateau, car aujourd'hui nous sommes sur un petit plateau de théâtre. Ah, plus. Non. Radio, alors? Non. Vas-y, continue. Donc ça, c'est la première chose. Donc on n'a pas le droit de le... Normalement, on n'a pas le droit de prononcer ce mot. Ah oui. Sur... Chut, tais-toi. Sur ça. Et alors, la fin du prénom, si vous trouvez donc le début du prénom qu'on n'a pas le droit de prononcer, si vous faites un nœud avec ce mot, au passé, vous trouvez le prénom. Au passé? Corbet? Oui. Non. Cordaneux? Non. Vous avez trouvé le début? Cordelette? Non. Mais non, cordelier? Cordelira? Liera? Lira? Bonne réponse, extraordinaire. Allez. Oh, tu parles, attends. Alors, chers auditeurs, écoutez bien ce que je vais dire, car vous ne le direz peut-être, vous n'entendrez peut-être qu'une seule fois dans la soirée. Bonne réponse de Bob Duclos. Applaudis pas. Vous êtes des mauvais sujets. Ah, oh, vous êtes d'une inculture. Incroyable. Eh bien, puisque c'est comme ça, attends, nous enchaînons. Toi, le roi Lear, tu croyais que c'était Bernard Pivot, alors ça va. Non, je croyais que c'était Amanda. Oh, oui, c'est oui, mieux. Ah. Moi, je ne sais même plus comment je m'appelle, du coup. Et on nous annonce, on nous annonce l'arrivée impromptue. Est-ce que tu es prêt? Tu as fait tous les bars du quartier. Juste à temps, l'arrivée de Maurice. Ah. Maurice. Juste à temps pour la tournée de blagues. Il paraît que t'étais coincé dans une manif d'Australie. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Il est pas très chic ton sac. Hein. C'est pas chez Vuitton, moi. Alors, la tournée de blagues. Alors, c'est une femme âgée qui se déplace en prenant appui sur une canne et qui monte dans un bus qui est archi plein. Bien entendu, comme d'habitude, personne n'a la délicatesse de lui céder sa place. Elle a du mal à tenir debout. Et puis d'un seul coup, il y a un arrêt brutal. La canne dérape et elle s'étale de tout son long dans le bus. Ah, alors, tu l'as pas bien fait. Le rame. C'est mieux. Alors il y a un petit garçon qui est assis. Il a environ 6 ans. Il dit « Madame, oui, mais dis donc, si tu avais mis un petit bout de caoutchouc au bout de ta canne, eh ben, tu ne serais pas tombé. » Il y a la vieille qui se relève. « Oui, bah dis donc, toi. » Si ton père avait fait la même chose il y a 6 ans, j'aurais un siège pour m'asseoir. Oui. Alors, c'est à toi, Bob. C'est une jolie jeune fille qui se fait violer dans un parking. Oh. À la fin, le violeur lui dit « Tu dis rien à personne, sinon je te bute. Promis, je dirai pas que tu m'as violé deux fois. Mais je t'ai violé qu'une fois. Oh, vous auriez bien 5 minutes. » Ah, elle est bonne, bravo. Bravo. Une jeune fille visite un musée à Florence avec son école. Et voici une très belle vierge du 15e, annonce le guide. Eh ben, ça nous fait un point commun, dit une jeune fille. Pourquoi? Demande le guide. Sentant déjà le bon coup venir. Vous êtes vierge? Non, je suis du même arrondissement. Oh, elle est dedans. Alors Maurice qui n'a absolument pas eu le temps de préparer ses blagues, là, je crois Maurice tu n'as pas eu le temps, c'est je ça Je fais un tour gratuit là. Non, bah alors t'as qu'à nous faire celle du clocher, tu la connais par cœur. Ah bah si, alors, allons-y. Comme tu l'as. Non, celle du clocher, il la connaît par cœur, donc il n'y a pas de problème là. Quelle est la différence entre un i et un. Mais pourquoi tu t'arrêtes? Non, c'est pourquoi il s'arrête. Je vais te dire pourquoi il s'arrête. Parce que là, il était parti pour la dire bien et il n'a pas l'habitude. Ça l'a bloqué. Alors vas-y, Boris. Alors, vas-y. Oui. Vas-y. Oui, ah oui, on t'écoute. Oui, alors. Quelle est la différence entre un i et un clocher? On ne sait pas. Non, et ben non. Le i, c'est la voyelle. Oui. Et le clocher, c'est la consonne. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu et je m'aperçois qu'il y a de l'amélioration. C'est toujours la même blague. Oui. L'amélioration quand même. Manu, quelle est la différence entre un amant et un mari? Il n'y en a pas. Si. Ah. Le jour et la nuit. C'est un type énorme qui arrive à la porte du chef du personnel d'une entreprise de bûcherons. Mais le mec, il est super costaud et tout, c'est au Canada. Le chef ? C'est au Canada. Non, le mec qui se présente. Et il cherche du boulot. Et donc, le mec lui dit, ça va, vous avez l'air costaud, vous avez des références ? Ouais, j'étais bûcheron au Sahara. vous foutez pas de ma gueule, non, un peu ? Il n'y a pas d'arbre au Sahara. Et le mec, il dit, il n'y a plus d'arbre au Sahara. Alors, la blague de Rémi Deval. Alors, c'est deux petites vieilles toutes ridées qui discutent. Bah là, regarde, elles sont là. Oh, tu te souviens, quand nous étions jeunes, nous voulions ressembler à Brigitte Bardot. Ah oui, oui, je me rappelle, oui, oui. Eh ben maintenant, ça y est. Bon, bah je vois que c'est bien parti. Ça veut dire que dans quelques instants, nous allons pouvoir entamer la première épreuve de la soirée, à condition de rester avec nous et avec Rémi Deval. Oui. À tout de suite. Avec Rémi Deval. Alors Rémi, donc, on te l'a annoncé, il y a des épreuves dans l'émission et il y a une des épreuves qui s'appelle l'épreuve du trivial. Ah. J'ai tiré au sort dans la boîte du trivial deux cartes au hasard, une carte pour chaque équipe. But du jeu, répondre à un maximum de questions sur chaque carte. Donc, il y a 6 questions par carte. L'équipe qui aura répondu au plus grand nombre de questions en un minimum de temps marquera le point. Est-ce que c'est clair? Jusque là, ça va. Et alors, si toutefois une des équipes répond bien à plus de 4 questions, ça double les points. Ah, alors, Frédéric se marre. On croirait les jeux de Guy Lux. Voilà, exactement. Mais donc, si vous tournez la roue, que vous gagnez, vous pouvez appeler un ami pour ensuite. À condition que la roue aille faire un demi-tour en arrière. Voilà. Oui, Simone, je ne vous entends plus. Alors, deux cartes. Est-ce que tu choisis la carte numéro 1 ou la 2? La 1. Donc la une, c'est celle-ci, je la mets de côté parce qu'on, bien sûr, on va commencer par la meilleure équipe, ah bah oui, les nudistes. Pour les humilier dès le début. Les nudistes. Allez, Maurice, non, c'est les naturistes. Les naturistes, oui. Mais est-ce que Maurice, tu es prêt? Ah oui. Oh oui, je suis prêt, moi. Ça fait 40 ans, ça fait 40 ans qu'il est prêt. Il est ready. Sois pas mauvaise. Alors, Bob. Moi, top chrono. Ah. Quelle langue est parlée à Sainte-Hélène? Italiano. Non, français. C'était l'anglais. Mais oui, c'est l'île d'Elbe, l'italien. Sainte-Hélène, c'est dans le milieu de. Attends qu'on discute entre nous. Pas du tout. Qui est l'immortel interprété de Yaya Twist? L'immortel interprète de Yaya Twist. Waouh. Il y a une chanteuse américaine. Qui ah, chante, c'est une chanteuse américaine qui chantait Yaya Twist. Yaya Twist qui donne les questions. Enfin, américaine, je sais même pas si c'est l'américaine d'ailleurs. Je sais pas qui c'est. C'est une noire, non? Alors, votre réponse? Je sais pas. Petula Clark, peut-être, oui. Une américaine. Mais non. Bonne réponse. C'est anglaise. Oh, ah oui, donc elle est anglaise. Donc, hein. Quel président du Nicaragua a été déposé par les guérillos, les guerrilleros, on est en forme aujourd'hui. Sandiniste. Sandiniste, oui. Au Nicaragua. Oui. Ah bah c'est le mec là qui essaie de revenir. On sait pas. Passe. Je sais pas. Somoza. Ah oui, Somoza. Qui est l'auteur de La Nuit de l'Iguane. Ah, ah oui, oui, oui, oui. Oh, c'est un serpent quelconque. Non mais c'est un auteur super connu. Hein. Ah bon. Ah oui. Qu'est-ce que tu penses de Hemingway? Ça te plaît? Ah oui, oui, oui, c'est oui, très oui. bien. Hemingway. Tennessee Williams. Ah, oui. Oui, bon. Quel gaz fait s'élever un ballon? Ah, il y en a plusieurs. Bah, L'hydrogène. Oui, il y a l'hydrogène, il y a le l'autre là, celui qu'on met pour les plongeurs là. Ah, oui. Bon, enfin, c'est l'hydrogène. L'hydrogène, c'en est un. Oui. Alors, moi, je suis désolé, je n'accepterai que la réponse qui est sur la carte. Ah non non non. Donc, l'hélium. Non. Toi, t'as l'hélium. Je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit ce que j'avais. Moi, l'hélium aussi. L'hélium, mais l'hydrogène aussi. Oui, je vous ai dit que je n'accepterai que la réponse qui est sur la carte. Ouais, mais c'est des questions à la con. Alors, vous me dites. L'hélium. Bonne réponse. Oh. Quelle était la profession de Juan Fangio? Ah bah il était coureur automobile. Bonne réponse. Ah. Et tu nous as volé la première. Hein. Alors, trois bonnes réponses en 1 minute 57. Hein, il nous a volé la première. Non, non, vous avez donné une réponse. Mais attends, tu vas avoir une question à la con qu'il va leur donner pour qu'ils gagnent encore. Bon, Manu, Rémi, vous êtes prêts? Ouais, mais je suis attaqué, moi. Alors, score à battre, allez. Hein. Trois bonnes réponses en moins d'une minute 57. Finger in the nose, vas-y. Ouais, bah, t'aurais joué pas trop vite. C'est parti. Dans quelle région la kermesse héroïque se déroule-t-elle? C'est une région française hein. Ah bah tu devrais lui poser des questions pour qu'il te réponde. Brest. C'est pas en France, c'est non, pas en France non. Alors, c'est pas en France. Ah oui. En Bavière. Ah bah, oh non, c'est dans les Flandres. Ah bah, voilà, bah tu vois. Dans quel cabaret de Liverpool les Beatles sont-ils débutés? Je me souviens plus. Oui. Moi non plus, je le suis. Hein. Ouais, bah, tout le monde le sait. Bob? Je me souviens pas. Mais voilà. Pourtant, Bob, tu y as été dedans. Gambrinus? La caverne. La taverne. À quelle occasion le comte de Lauzun devient-il duc? Mais qu'est-ce que c'est que ces questions? Une question d'histoire. Là, j'avoue que là, vous n'êtes pas gâté. Hein. Ah, bah après son mariage. Avec qui? Ah, bah, bonne question. Avec la duchesse de Langeais. Non, avec la Bretonne. Après son mariage. Avec la grande demoiselle. Bah, voilà, ah, bah, ouais. Comment s'appelle la tétralogie de Laurence Durel? C'est qui celle-là? La tétraplégie? Tétralogie! Eh oui. De Laurence Durel. Je crois que c'est mon cul sur la commode, mais je suis pas très sûr. Non, non, c'est un poil là, de trop. C'est l'histoire de cul. Un poil de trop. Un poil de trop. Ah, oui, oui. Non, le quatuor d'Alexandrie. Ouais, ouais. Et alors, malheureusement, comme il ne reste plus que deux questions, vous n'avez aucune chance de battre l'équipe des naturistes. Mais pose-leur quand même la question. On rigole. Ah oui, oui, oui. Alors, quelle plante est un poison et une belle dame en italien? La donna. Non. Et la ragazza. Tu nous as pris pour Capello, toi. La cicciolina. La belladone. La belladone, bien sûr. Et quelle médaille le coureur cycliste Yavekar a-t-il décroché dans le tournoi de vitesse des Jeux Olympiques de Moscou Yavekar pédalait plus vite. En 1980. J'en ai rien à foutre. C'était un jour d'argent. Eh bien, heureusement que Bob du club n'est pas tombé sur cette carte. Oui, sinon, nous avions un procès. Mais donc c'est le quoi, point. C'est question. J'ai quand même une réclamation à faire. Ah, ouais, bah, pétula, ouais, point, sûr, ouais. Manger, oui, Bob. Car tu nous as volé la première, on en aurait eu 4 bonnes et ça aurait fait 2 points. Non, mais nous, il nous a volé les 5 premières en fait. La première, c'était le Nicaragua, t'aurais pas. Donc, on vient de me dire dans le casque. Il nous a volé les 5 premières, nous. L'arbitre de l'émission est tout à fait d'accord. Il me propose de reprendre une carte pour l'équipe des naturistes. Ah donc, tout à fait d'accord. Alors, pour vous reposer. La première question de Géo, donc. Bon, pour vous reposer 6 questions. Ah bah oui. Non, non, juste la première. Mais t'as gagné, fous-nous la paix. Oui, bon. On veut vous écraser. Donc, pour l'instant, l'équipe des naturistes mène 2 à 0. À 0, ça va pas durer. C'est bien, c'est pas incroyable. Joli, ça. Ça s'applaudit pas. Non, non. On n'a pas applaudi, on a simplement dit que ça permettait d'enchaîner avec la tournée de blagues supplémentaires. Nous avons le triomphe modeste. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Bob. Alors, au théâtre, dans deux spectateurs vont au pipi room, ben, un peu se délester pendant l'entracte. L'un d'eux entame la conversation. Quelle belle pièce. Je vous en prie, monsieur, regardez devant vous. Oh là là. à la campagne, dans une chambre d'hôte. T'as vu le coq, dit une femme à son mari? Bah oui. Il a grimpé les poules au moins une vingtaine de fois, lui. Le coq répond le mari, il change de poule à chaque fois, lui. Alors des perles. Ah oui. Il y en a. Hein. Perles, et tu nous fais pas le numéro d'urgence hein. Non. Tout à l'heure peut-être alors. Parce qu'il faut le rappeler, c'est important quand même. Il n'y a plus d'urgence maintenant. Ah non, si, c'est important quand même pour nos amis qui nous écoutent en Bretagne attendent avec impatience. Oui, le numéro d'urgence. Et on n'a plus le droit de pêcher le thon maintenant. Hein. Ah bon. C'est bon, t'es tranquille. Tu peux sortir. Non, j'ai quelques perles. Ah. À l'hôpital, ils m'ont gratté tous les organes de l'amour. Oui. T'as bien fait. Merci Maurice. L'amour platonique ne m'a donné que des satisfactions. C'est dur à dire ça. Ouais, mais c'est très drôle surtout. C'est dur à, non, c'est dur à écouter surtout. Ouais, ouais. Les préservatifs que j'ai trouvés dans sa poche avaient déjà servi. Vous pouvez me croire. Voilà. Bravo Maurice. Merci Maurice. Quand est-ce que tu prends ta retraite ? Moi, je trouvais ma blague qui suit naze, oui. Mais là, je suis partant grave. Une femme va chez son médecin, consulte, et arrive chez son médecin en lui disant « Je ne consulte pas pour moi, je viens pour mon mari. » Ah bon, pour votre mari ? Oui, je voudrais que vous fassiez quelque chose pour mon mari, je voudrais que ça soit un taureau, quoi, le mâle, quoi. Et le médecin lui répond « Écoutez, déshabillez-vous, on va commencer par les cornes. » C'est quatre Belges qui sont en virée à Paris, et puis évidemment ils vont au bois de Boulogne. Ah bonsoir, on va visiter les bons coins de Paris. Hein. Et alors ils arrivent, ils s'arrêtent devant une prostituée, et puis bon, dis donc, c'est combien ? La fille répond, c'est 300 devant, 450 derrière. Là, les deux mecs qui sont sur la banquette derrière font, eh, pourquoi c'est plus cher pour nous ? Celle-là, je l'aime bien. La blague de Rémi Deval. Alors c'est un grand émir arabe qui engueule son valet en voyant arriver devant son palais un car plein de vieilles. Mais j'y vous ai dit que je ne voulais pas que les touristes viennent visiter le palais. Mais monsieur, ce sont pas des touristes, ce sont toutes vos belles-mères. Alors c'est un mec qui rentre chez lui un soir et qui dit à sa femme, hey, « Eh chérie, dis donc chérie !» Oui. Dis donc. Et dis donc, chérie, tu vas être obligé de préparer tes valises. Hein. Ah bon, pourquoi ? Bah parce que je t'ai perdu au poker. Oh non, c'est pas vrai. Si si. Mais comment c'est arrivé ? J'ai triché. Bon, alors dans quelques instants, une nouvelle épreuve. Ah. Oui, une épreuve très difficile. On adore ça, on a un peu sadomaso, tu sais. Oui. Mais je sais que vous l'aimez cette épreuve. C'est l'épreuve du deviner. C'est gagné. Ah, on va rigoler. Oui, on va rigoler. Maurice avec... est là. Maurice est là. Ouais, Maurice à est tout de suite. On va s'éclater, on va se reposer. Avec Rémi Deval. Ouais. Retour, on va se marrer avec Rémi Deval. Ouais. Alors, Rémi qui joue actuellement au théâtre de la Petite Loge, Maurice. Et c'est rue La Bruyère, oui. Au numéro 9. Ah non, c'est taxi, non ? Sur le flyer, c'est le numéro 2. Mais... Ah, c'est 2 ? Ouais, c'est juste en face, c'est pas la même. La Bruyère. Ah, c'est la ligne 9 du métro Saint-Georges. Alors, donc, c'est ton premier spectacle ? Ton premier one-man ou t'as déjà sévi ? J'avais déjà des spectacles avant, mais c'est la première fois que je suis seul sur scène, oui. Et alors, t'as commencé quand là ? Ça fait un moment déjà ? J'ai commencé en octobre. Ah, donc oui, donc t'es rodé là. C'est rodé comme spectacle. Tout à l'heure, on pourra avoir un extrait. Ah, mais avec plaisir. Même plusieurs extraits. Ah, deux, allez, deux. Ah, ça va faire cher. Et Rémi est aussi auteur de pièces de théâtre. Oui, j'ai écrit une pièce de théâtre qu'on devrait jouer aux alentours du mois d'avril avec Frédéric Coster. Avec une excellente distribution. Ah bon, qui c'est qu'il y aura dans la distribution ? Il y aura Ma Pomme. Ma Pomme ? Non, mais moi. Ah, pardon. Imbécile. Ma Pomme. C'est moi. Il y aura. Qu'est-ce que tu fais? Taisez-vous, je parle. Et il y aura notre copain Patrick Chanfray aussi. Ah, bah oui, il y a du talent dans cette pièce. Oui. Avec Rémi qui joue dedans aussi, et une mise en scène de Claire Toucourt. Claire Toucourt encore, voilà. Quelle séquence, ça. Et alors, est-ce que c'est une pièce comique? Non, pas du tout. C'est un drame. Ah. Mais d'ailleurs, le titre de la pièce, enfin, je sais pas si on peut le dévoiler. Oh, bah, je pense qu'on peut dire le titre. Le titre indique bien que c'est un drame. Ah. Oui, ça s'appelle La Partouze. Et vous êtes plus avec Frédéric Lefebvre, c'est forcément voilà un spectacle. Drame. Parce que Chanfray n'était pas mal, si je me souviens. Non. Non. Ah oui, bah. Moi, j'avais bien aimé. Là, on va rien dévoiler, mais. Moi, j'avais bien aimé, je sais pas si vous l'aviez vu, la dernière pièce de Fred qu'il avait joué avec Courgeot. Le congélateur était fermé de l'intérieur. Ah, une soirée ludique. Bonne fête. Ah bon, bah alors on ira voir ça. C'est prévu pour quand cette pièce? Vers le mois d'avril. C'est quand est-ce prévu pour À partir du mois d'avril, ouais. Ah bah on part en vacances au mois d'avril. Oui. Et nous on est bien contents de ne pas voir vos gueules de cons dans nos salles. Bande d'imbéciles. Tu vas le faire combien de temps? Vous allez le faire combien de temps? Oh, une heure. Combien de jours? Bon, alors Rémi avec un X, c'est tous les dimanches. Avec un X. Mais j'ai dit un hic. T'as dit Rémi avec un X, ouais, c'est. Bah oui, c'est tous les dimanches, lundi et mardi, à 20h au théâtre La Petite Loge, à Paris. Bravo. Alors, Rémi, épreuve suivante, le deviner, c'est gagné. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est très simple. J'ai écrit sur des petits bouts de papier des mots anodins. Des mots anodins. C'est le mot anodin. Voilà. C'est ça. Et le but du jeu est de faire découvrir ce mot au partenaire de sa propre équipe. D'accord. Voilà. Avant que l'équipe d'en face ne le découvre. Donc, c'est chacun son tour. Et pour que tu vois comment ça fonctionne, nous allons commencer, bien sûr. Par Maurice. Tu peux dire qu'un mot à chaque fois. Et Philippe, voilà. Philippe, je te promets. Il y a Maurice qui en dit plusieurs, mais on le reprend. Philippe, je te promets, arrête d'expliquer les jeux, j'ai mal à la tête. Moi, je sais même plus comment je m'appelle. Hein. Bon, alors, on va choisir un mot au hasard. Oui. Pour Maurice. Pour voilà. Maurice. Au hasard. Un mot au hasard. Bah, on n'est pas sorti de l'auberge. Maurice va donc essayer de faire découvrir. Non, ne regarde pas. Va essayer de faire découvrir ce mot. À GG et Bob. Alors Maurice, est-ce que tu choisis de faire commencer GG et Bob ou l'équipe des voyeurs? Ah, c'est que chacun son tour. Voilà. Chacun son tour. Et un mot à la fois. On se concerte avant, hein, GG. Oui. D'abord les voyeurs ou d'abord ton équipe? Les voyeurs. D'accord. Alors allez, c'est parti pour les voyeurs. Et nous aussi qu'un mot. Un seul mot, donc vous vous concertez. Ah bah vous avez droit qu'il y ait une réponse. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. D'accord, avant de dire poil et tout, etc. Oh. Comment? Oh. E-A-U. On va dire liquide, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? C'est bien liquide, ouais. Je pense que c'est plus tordu que ça, mais... Oui, oui, mais de toute façon, le premier, on trouve jamais. Allez, vas-y. Ouais, liquide. Non. La main passe pour son équipe. Écoutez bien le mot de Maurice. Salé. Ah ben... Oui. Mère. Non. Je l'ai. Alors, la main passe pour les voyeurs. Ça peut pas être si simple. Je l'ai. Ça peut pas être si simple que ça. Maurice. Il va dire un mot à la con. Non, mais en plus, je préfère prévenir tout de suite les auditeurs. Dans quelques minutes, Maurice va se faire engueuler par Bob Duclos. Ah. Alors. Tu veux dire que Bob dirait un truc genre Maurice, tu me désoles. Voilà, oui. Alors Maurice. Le mot. Mollusque. Quoi? Je pense qu'il n'avait pas le droit de dire ça. Moi non plus. Rien, il vous traite de limace. C'est pas un mollusque. Hein. Oui, non, mais non, non, mais il n'avait pas le droit de dire ça, à mon avis. Moi, je pense que c'est pas un mollusque. Hein, mais... Ah, bon, on dit toujours, oui. Moule. Oui. Oui. Allez, non. Les essais. La main passe. Les essais. Les essais. Alors, Maurice. Perle. Ah oui. Ah, bah oui, il n'y a que ça. Huître. Ah, oh là là là là là là. On n'a pas réagi avant. Mais pourquoi t'as pas choisi ton équipe en premier? Bah oui. En disant ostréiculteur. Ah bah oui. Bah oui. Bah parce qu'il pouvait pas, c'est la même racine. Oui, alors, enfin, c'est bien, il fait durer le plaisir. Et il montre combien alors, les voyeurs sont gourdes. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas un mollusque, c'est un bivalve. Oui. Comme ta femme. J'attendais la connerie. Moi. Et ceci dit, il disait ostréiculteur, c'était perdu, hein, parce que c'est la même racine que lui. Oui, tout à fait. Alors, on va donner un mot à... Manu, ah bah tiens. Puisque cette fois-ci on change. Je vais commencer par les naturistes. Alors premier mot. Oui. Médecin. Il y a docteur. Maladie. Oui, il y a toutes les maladies. Oui, aussi. Oui. Bon, alors, vas-y, Maurice, disons. Hein. Oui, maladie aussi. Voilà. Vas-y, Maurice. Allez, maladie. Couteau. La main. Alors, la main passe. La main passe, c'est pas ça. Et donc, tu nous dis, Manu, couteau. Oui, moi, je dirais scalpel. Scalpel. Scalpel. Non. Non. La main repasse. Quel con, ce Manu. Bon, vas-y, Manu. Scalpel. Bah, chirurgien. Non, ils ont dit scalpel. J'ai le droit de le dire. Ils ont dit scalpel. Mmh. A failli dire chirurgien. Oui. Oui, on va dire chirurgien. Non. La main repasse. Attention, l'équipe des voyeurs. Alors, tu pourrais dire oui ou non. Non. Non. Non, c'est pas ça. Nous ne sommes pas des huîtres. Il va pas s'abaisser à te parler non plus. Vas-y, mon petit Manu. Oui, mais vas-y maintenant. Incision. Je pense que là, Manu va pouvoir dire après à ses partenaires vous me navrez. Opération. Non. Oh là là là. La main repasse au naturiste. Et Bob est très fort à ce jeu. Ah oui, mais là. Alors, un mot pour l'équipe. Un mot pour eux. Ouais. Bah oui. Ouvrir. Ouvrir. Incision. Bah, ils l'ont dit, ça. Ils l'ont dit. Ah, ils l'ont dit c'est lui qui a dit incision. Qu'est-ce que vous avez dit? On peut pas avoir le. On t'a dit merde. Mais tu sais que. Ils ont dit. C'est effrayant, la gauche. C'est vrai. C'est une citation de Georges Frêche. Ah oui. Vous êtes des sous-hommes. Ah non. Oh, toi, t'as une tronche pas très catholique. Hein. Moi, c'est sûr. Circoncision. Non. La main repasse pour l'équipe des voyeurs. Vas-y, Manu, un truc qui nous aide. Alors, instrument. Scalpel, c'est le premier mot. Bon, enfin, instrument, scalpel, couteau. Oui, justement, instrument, voilà. Scalpel, justement. Voilà. Donc, tu pourras, alors, je t'autorise à leur dire, vous me navrez, je t'autorise. Hein. Ah, salut, tu parles. Instrument, scalpel, mais qu'est-ce que ça peut être, instrument, un autre truc qu'un scalpel? Bon, alors, césarienne. Allez. Eh bien, non. C'est pas ça. La main repasse. Les fait pas trouver. J'ai l'impression qu'ils... Hein, ah, ils ont trouvé. Je pense qu'on a trouvé. Chirurgie. Oui. Allez, vas-y, non. Maurice. Bistouri. Oh là là là là. Je te dis qu'il a eu des piqûres ce week-end. Ah oui, Maurice, là, tu nous épates de bouche. Hein. Oh là là. C'est Maurice qui a trouvé? Oui, c'est Maurice qui a trouvé. Mazel Tov! Abba, Nagila, Abba! Alors là, franchement, tu Manu, oui, tu me désoles. Non. J'ai dit instrument. Bon, alors, un mot, on a le temps, un mot pour GG. Oh merde. On prend une déculottée, les garçons. Ah oui, là, c'est mal parti. Hein. Oui. C'est pas bon. Alors, un mot pour GG. Alors, GG, tu choisis de faire commencer ton équipe ou l'équipe en face. Les voyeurs. Les premier voyeurs. Mot. Ah, les voyeurs qui voient. Dans ton micro. Chant. Moi, chant comme chanter. Moi, j'en ai plus rien à foutre, de toute façon. C'est à quelle heure qu'on bouffe. Ouais, ça me gave ce jeu. Allez. Chant, attends, chant, voix. Voilà. Ah, non. La main chant. Passe. Attends, c'est chant avec un P ou avec un P? Ah ben, tu veux pas qu'il te donne la réponse non plus. Non, il a dit comme une chose. Ah d'accord, tu veux pas qu'il te donne la réponse non plus. Écoute, alors, dans le micro, GG. National. Ah ben... Ah, j'ai deux mots. Maurice, il y a hymne national. Comment, hymne, comment hymne. Où il y a marseillaise. Oui, tout à fait. Ah oui. Ben, bah, tais-toi, ah je vais... Alors, hymne, non? Yes. Ah bah oui, bien sûr. Je veux pas le point. Non, je veux pas le point. Non, je veux pas le point. C'est honteux. Bon. Eh bien, ce jeu est truqué. Dans quelques instants. Ce jeu est truqué. Il nous reste trois mots. On n'en a rien à... Ah ben si, quand même. Non. Dont le mot de Frédéric Coster. Ah oui. Ça, moi, je joue plus. Le mot de Bob Duclub. Et surtout le mot de Rémi Deval. Oui. Donc, restez avec nous, car la partie est serrée ce soir. Ah oui, super. Oui. Très serrée. Ouais, très serrée, ils sont écrasés. Comme des morts. On va réussir à s'écraser. Heureusement que j'ai dit à Rémi avant de venir, t'inquiète pas, en général, c'est mon équipe qui gagne. Allez, on revient dans quelques instants. Restez avec nous. Retour, on va se marrer avec Rémi Deval. Ouais. Alors, juste avant l'interruption, nous avions deviné c'est gagné, en mais rappelant que pour l'instant, l'équipe des naturistes écrase l'équipe des voyeurs. J'aimerais bien voir ça. Tiens, on a l'impression d'être l'armée d'Alexandre le Grand, tu sais, quand il a mis en déconfiture toute cette racaille là-bas. Oui. Alors, un mot pour Frédéric Coster. Alors, bah, est-ce que tu choisis de faire comment? Tu ne m'appelles pas Bob, déjà, pour commencer. Ça peut être un compliment. Hein. Non, pas non. C'est rare. Alors, bon, on va commencer par les vieux cons là. En alors, les naturistes. Les naturistes. C'est parti. Alors, température. Température. Alors, moi, tout de suite me vient Celsius. Thermomètre. Ça donne la température. Il y a fièvre aussi. Il y a. Thermomètre. Météo. Je dirais bien température. Ah, allez, température. T'as dit quoi? Bah, j'ai dit température. Ah, il a dit alors, thermomètre, allez. Oui, thermomètre, allez, c'est bien. Thermomètre. La main passe. Vieux gâteux. Alors. Moi, si je me permets. Oui, permets-toi. Allez, aide-les. Non, mais je voudrais simplement dire à Frédéric, il y a un seul mot à donner pour que ça soit trouvé. Ah bon? Mais oui, mais dis-lui aussi tant qu'il y est. Ah non, mais je dis pas. Allez, collabo. Comment? J'ai dit chaude, vous aviez qu'à écouter. Chaude ou chaud? Chaude, Pépé. Chaude. Remonte ton sonatone, nom de Dieu. Alors, ça les inspire pas beaucoup. Non, tes collègues. Non. J'hésite entre un truc sexuel et un truc complet. Alors, il y a Rémi Deval qui fait une tête, on dirait qu'il y a un critique du Canard Enchaîné qui vient voir son spectacle. Non, mais il y a Canicule qui me vient. Mais... Oui, moi, il y avait ça qui me venait aussi. Écoute, allez, vas-y, valide. Canicule. Non. Ah, bon. La main repasse. Alors, on a chaude. Oui. Et température. Et température. Alors. Héros. Héros. Vous devriez peut-être consulter Maurice, parce que ce soir, il a fait fort. Il a c'est trois vrai, mots. Oui, c'est très Maurice, t'as une idée, Maurice, avec Héros? Température chaude. À mon avis, il a pris de la coke. Chaude. C'est ça qui me gêne, c'est le chaude. Mais c'est pas le département? C'est peut-être le département. Ah oui. Mais non. Oui. Alors. Le mer. Mais quel con ce Manu. Oui, c'est Montpellier là-bas. Donc c'est la mer. Exactement. C'est la mer. C'est la mer. La mer. La mer. Non. On va dire ça. Ça me plaît bien. Vas-y Maurice. La mer. Mais non, pas la mais mer. Non, non. Il a dit la mer. T'as la mer noire et t'as la mer truc. Non, la mer truc. La mer truc. Non, attends, on peut réfléchir. Je comprends pas. On n'a rien dit pour l'instant. Chaude. Elle est... chaude. Héros. C'est le 34. C'est 34 Montpellier. Et ben voilà. Grâce à Manu. La 7. C'est pas vrai. La 7. Et ben aussi dans l'Héros, non? Ah. Oui, il y a 7 aussi. Oui, non, mais la mer qui est là, qui est chaude. Non, l'Héros, il y a du gaz. C'est la mer Méditerranée. Elle est pas forcément chaude. Ah si. Ah si. Celle-là, elle est chaude. Vas-y, Maurice, on valide. Oui, tout à fait. Méditerranée, on valide. Non. Ah. La main repasse. Ouf. Politique. Et Manu manque de se faire engueuler. Oui, c'est clair. Là, j'ai. Politique. Alors. Non, je suis pas aidé aussi. Non, mais je pense que vous allez vous faire engueuler. Là, j'avoue que en politique, moi, je vais pas savoir qui c'est qui là-bas dans le coin. Là, je pense que vous allez. Non, je pense. Là, vous allez vous faire engueuler. Là, c'est des champions. Attendez, on a rien dit encore. Alors, oui. Une désole. Non mais c'est pas vidé, c'est audio hein. Garçon. On n'est pas filmé. Alors vous avez dit quoi les filles en face? Eh ben on a rien dit pour l'instant. Mais réfléchissent. Ouais, ben, va te coucher. On cherche certainement un personnage. Mais me regarde pas, toi trouve la réponse. Mais qui c'est qui est là-bas? T'es dans quelle équipe? T'es dans la nôtre ou dans la leur? À mon avis. Attends, laisse le pauvre chéri, prépare son texte pour tout à l'heure. On cherche une femme politique. C'est pas limité un peu? Oui, je le fais exprès. Ils ont dit Méditerranée. Ah, il faut quand même donner une réponse parce qu'on a. On oui, a allez, un... on se le temps, nous, le temps écoute, nous est compté. Politique, j'y connais rien. Moi, je sais pas. Je vais plutôt pas bon, dire maire. Dis n'importe quoi. Maire voilà. José Beauvais. Ah. On n'est pas sur Euronews. Bon, je vais vous donner le point, mais ça m'agace. Arki. Oui, c'est ça. Alors, c'est fraîche. Fraîche. Voilà. Oh là là là là. Georges Fraîche. On parle que de lui non, attends, depuis 15 jours. De temps en temps, il faut être au courant de l'actualité. Oui, mais moi, j'ai pas le temps dans les infos, je travaille. On ne parle que de ça depuis 8 jours. C'est le président du conseil régional là-bas en bas. Là. Mais oui, on parle que de Georges Fraîche, l'ancien maire de Montpellier. Enfin, ceci dit, le mot était écrit fraîche comme le féminin de frais. Ah oui. Alors, le mot de Bob Duclos. Alors. Est-ce que tu choisis de faire commencer? Attends, Philippe, excusez-moi. Manu, Rémi, vous me désolez. Mais t'as raison, totalement. Navré. Mais moi, tu m'aurais dit salade, j'aurais dit pêche. Manu, ta gueule, c'est fini. C'est fini, Manu. Parce que celle-là, tu vas te la prendre. Oui, parce que je rappelle que Frédéric Coster a un point commun avec Bob du club. Il n'aime pas perdre. Oui, mais là, visiblement, il faut que je me prépare. Ce soir, on a déjà perdu. Alors, Bob, qu'est-ce que tu fais? Oui. Tu choisis ton équipe ou l'équipe? Non, je vais commencer en face. Les voyeurs. Est-ce que j'ai le droit de donner une date ou pas? Ah oui. Parce que c'est... Un mot, hein. Oui, oui. Une date, un ou c'est une date. Si c'est 1925, tu dis 1000. Non, non, non, non. Une date, oui. Une date, tu peux. Je peux? Oui. À la l'air. Alors, vas-y, donne ta date. Et après, on va dire 1939. Rémi et Manu, alors. René, donne-lui. Moi, je dirais invasion. Boire, parce qu'il déprime. Allez, invasion. Ah, Manu. Je regarde mon papier. Oh, et c'est invasion, bravo. Là, d'accord. Alors là, là, d'accord. Bon, là, ça va vous racheter tout parce que c'est la première. Hey, c'est la première fois qu'on trouve au premier mot. Oui, ils sont, ils sont alors... forts parce que moi je redis libération. Non, ça c'est en 45. Non, mais ça c'était, tes opinions politiques. Oui. Oh, c'est celle de Maurice. Non, parce que là, je me disais, s'il squeeze ce que dit Manu. Alors, le dernier mot pour Rémi Deval. Oh, et là, on joue gros là. Je suis pas venu pour rien, tu vois. Non, non, j'ai pas dit on joue avec les gros, on joue gros. On joue avec les gros. Non, mais vous jouez avec le gros. Alors, Rémi, est-ce que tu choisis de faire commencer ton équipe ou l'équipe des naturistes? Gérard, ça te dérange pas qu'on joue là? L'équipe des naturistes en premier. Alors, on y va. On est prêt. On se concerte avant, hein? Ouais. Il a rien dit encore. Ah, bah, je vois que. Il est au jeu, mais. Oh, bravo. Qu'est-ce qu'il a dit? Maurice, réveille ton neurone, on va jouer là. Alors, attention, c'est parti, Rémi. Film. Ah. Alors là, le problème, c'est que c'est pas ça le point fort de Bob. Pellicule. Pellicule. Ça peut pas être les Goonies. Bah, film, cinéma, septième art, acteur, comédien. Réalisateur. Moi, je dirais bien réalisateur. Ah. Sauf que t'as dit cinéma. Why not? Hein, il a dit film. Non, il a dit film. Il a dit film. Je oui. Hein, ça vous plaît, ça? Oui, oui, réalisateur. Allez, on dit réalisateur. La main passe. Souris. Bah, moi, je penserais bien à quoi, quelque chose. Il y a Stuart Little. Bah, vas-y, dis-le. Enfin, parlez-en entre vous. Il y a Stuart Little, il y a Mickey, hein, Mouse. Ah, Mickey. Mickey. Mickey. Mickey. Mickey. Mickey. Eh ben, a priori, la main repasse. Légumes. Alors. Non, il les aide pas. Il a dit cinéma. Oui. Hein, oui. Et en deuxième. Non, film. Non, non, film. Film. Cinéma. Film. Et en deuxième, il a dit quoi? Souris. Souris. Légumes. Film et souris. Alors, il y a le. Comment? Il y a ratatouille. Oui. Et ça, c'est plutôt un rat. Mais il n'a pas le droit de dire rat parce que c'est ratatouille. Il a dit légumes. Il a dit. C'est un film. Il a dit légumes. Y a ça. Ah oui, ça plaît bien. Ratatouille. Oh, ça plaît bien. C'est tordu de lait. Ah oui, ratatouille. C'est un film, oui. Ah, oui, oui, oui, oui, c'est un film. Ratatouille. Ah. Eh oui. Eh oui, il est coincé. Il peut pas utiliser rat. Ouais, c'est vrai que c'était bien joué. Tu vois que t'es pas si jeune que ça. C'était bien joué. Quatre. Alors, tu voulais. Cher Monsieur Bello. Oh, il est j'ai le regret de vous informer oui. de ma démission ah, non. de cette connerie radiophonique non. hebdomadaire que vous avez le déshonneur d'animer avec votre bande de collabos. Voilà. Alors, je fais un point rapide. Non, ne le fais pas. Non, non, non, le fais pas. Avec tes questions à la noix. On va faire une blague. Le fais pas. Est-ce qu'ils ont marqué un point? Alors, pour l'instant, jusqu'à la pause qui arrive. Nous avons donc un point pour grâce l'équipe des voyeurs. Oui, bravo. Bravo. Et extraordinaire. Point. Extraordinaire. Ça s'applaudit. Voilà, moi j'applaudis parce que Manu, tu as été formidable. Voilà, formidable. 7 points pour les il vaut 10 points celui-là d'ailleurs. T'as été nul sur le reste, mais là-dessus, t'as été rien n'est perdu car nous avons d'autres épreuves et d'autres jeux. Et juste après la pause, un extrait du spectacle de Rémi Deval. Ah bah, à tout de suite. Ça va nous détendre. Retour d'On va se marrer avec Rémi Deval. Quel talent. Eh oui. Eh oui. Alors, dans l'émission, non, vous l'avez vu, il y a des jeux, mais il y a aussi, quelquefois, de l'humour. Ça arrive. Non, pas tout le temps, tout le temps. Par accident, tout le temps. Quand Bob ne parle pas. Oui. Et nous avons un invité qui joue actuellement au théâtre de la Petite Loge à Paris. C'est au 2 rue La Bruyère. Non, t'as dit 9. Dans le 9e arrondissement, oui. Métro Saint-Georges, c'est ligne sympa. Numéro 12. Tous les dimanches, lundi et mardi à 20h. Dimanche, j'astique. C'est ça. Et pour donner envie à nos auditeurs d'aller à ce spectacle, je propose d'accueillir sur la scène dont va se marrer un extrait du spectacle de Rémi Deval. Ouais. Voilà, il y a quelques semaines, je me suis dit que si je voulais gagner beaucoup d'argent, eh ben, il faudrait que j'invente quelque chose. Alors, bon, j'ai été voir mamie qui m'a conseillé et puis qui m'a dit... Tu sais, en 1809, François-René de Chateaubriand a écrit son autobiographie et maintenant il la vend à la FNAC. Il est caissier ? Mais non ! Son livre est en vente à la FNAC. Il n'y en a qu'un ? Mais non, il y en a plusieurs ! Alors, je lui dis, oui, ok, mamie, mais ce mec, il a été riche après sa mort, pas avant. Oui, mais ça, c'est parce que Laurent Ruquier n'était pas encore né. Elle m'a convaincu. Bon, alors, j'ai commencé par écrire le plus important du livre, ce que les gens lisent en premier, le titre. Ah ben non, mais c'est du travail, le titre. Ça m'a coûté 10 pages de brouillon recto verso, quand même. Mais ça va s'appeler « Moi ». Voilà. Bon. Et puis, bon, je suis enfin passé à l'écriture du cul du livre. Le résumé, quoi. Alors, je vous le lis. Dans ce livre où il écrit son autobiographie, digne de celle de François-René de Chateaubriand, Rémi Deval nous touche profondément en faisant preuve d'une extrême sincérité partant de l'enfance jusqu'à sa vie en maison de retraite. Lui qui n'a seulement que 22 ans. Voilà. Bon, voilà, bah, le plus dur est fait, quoi. Alors, c'est pas tout ça, mais maintenant, avec un peu de chance, les gens, le livre... Ils vont vouloir l'ouvrir. Ah oui. Ouais. Donc, il faudrait que j'écrive quelque chose dedans, en fait. Bon, c'est pas difficile. Hein. Alors, Rémi Deval est né le 4 mai 1987 à Albertville. Il entre au cours préparatoire, où ça se passe plutôt bien, puis obtient son brevet, puis son... C'est très intéressant, hein. Ah, les gens vont adorer. Bah, si, on apprend plein de choses. Bah on apprend par exemple que pour écrire son autobiographie, faut pas avoir une vie de merde. Voilà. En fait, faudrait que ce soit joli, quoi. Faudrait romancer un peu. J'ai quand même pas inventé. Non, j'ai pas inventé. Je vais recopier. J'ai trouvé un vieux conte que personne ne connaît dans le grenier de ma grand-mère, ça fera l'affaire. Le petit chaperon rouge. Parfait. Et je remplace le petit chaperon rouge par Rémi Deval. J'ai ma bio. Super. Alors. Il était une fois une petite fille que tout le monde aimait bien. Ah merde, c'est une fille. Ouais, bah, c'est pas grave, on va modifier. Hein. Il était une fois un petit garçon que tout le monde aimait bien. Voilà. Alors, un jour, sa grand-mère lui offrit un petit bonnet de velours rouge et c'est pour cela qu'on l'appela Chaperon Rouge. Ça fait un peu petit pédé, cette histoire de bonnet rouge. Hein. Non, on va mettre une casquette. Voilà. Un jour, sa grand-mère lui offrit une casquette et c'est pour cela qu'on l'appela Rémi Deval. Voilà. Alors, un matin, sa mère lui dit « Viens voir, voici un morceau de gâteau et une bouteille de vin. Porte-la à ta grand-mère, elle est malade et faible, mais fais vite avant qu'il fasse trop chaud. » Bah, parfait, c'était la canicule 2003. Voilà. Alors, quand tu seras en chemin, sois bien sage, ne t'écarte pas de ta route, sinon tu casserais la bouteille et ta grand-mère n'aurait plus rien. On va remplacer ma grand-mère par un casting, parce que avoir pour seul but dans la vie d'apporter à bouffer à mamie, c'est limite. Alors, le casting était loin, au milieu de la forêt, loin du village. Lorsque Rémi Deval arriva dans le bois de Boulogne, il rencontra le loup. Ah bah non. Ah bah, non. Oui. Bah non, il n'y a pas de loup dans le bois de Boulogne. Il y a, voilà, il rencontra une pute. Nous y voilà. Alors là, il y a un dialogue, merde. Bonjour Rémi Deval, dit la pute. Bonjour pute, dit Rémi Deval. Où donc vas-tu si tôt, Rémi Deval ? Rémi Deval, qui savait que la pute était une pute, au lieu de lui dire qu'il se rendait à un casting, la dérouta avec malice. Je vais chez ma grand-mère. Et toc. Oh, et où habite donc ta grand-mère, Rémi Deval ? 34 rue des Jonquières. Ouais. Rémi, ayant donné l'adresse exacte, la pute s'empressa d'y aller et Rémi arriva à son casting sans mal. Il le réussit et la grand-mère connut la canicule avant l'heure. Voilà. L'enfance, c'est fait. Alors maintenant, l'adolescence, avec... on va trouver un autre conte. La chèvre de Monsieur Seguin. Bah, parfait. Bah, je remplace la chèvre par Rémi Deval. Bah, j'ai mon adolescence. Quoi. Alors, Monsieur Seguin avait derrière sa maison un enclos avec plein de fleurs. Bon, on va moderniser. Monsieur Philippe Seguin, ancien ministre, avait derrière sa maison un enclos avec plein de fleurs. Il avait attaché Rémi Deval à un pieu, au plus bel endroit du pré, en ayant bien soin de lui laisser beaucoup de cordes. L'enfoiré. Oui, j'ai beaucoup souffert. Mais c'est bien, ça va toucher les gens. Un jour, Rémi Deval se dit en regardant la montagne, « Comme on doit être bien là-haut, quel plaisir de gambader dans la bruyère. C'était triste de le voir tirer toute la journée sur sa corde, la tête tournée vers la montagne en faisant « Mais !» tristement. Mais qu'est-ce que j'irais foutre dans la montagne ? Ah non, pas la montagne. Paris. Voilà. Alors, un matin, comme Philippe Seguin achevait de traire Rémi Deval, Rémi Deval lui dit, « Écoutez, monsieur Philippe Seguin, je m'ennuie chez vous. Laissez-moi aller à Paris. »« Mais malheureux, il y a le loup à Paris. » »« Ah ben non, il n'y a pas de loup. »« Mais malheureux, il y a des putes à Paris. Que feras-tu quand elles viendront ?»« Je leur donnerai des coups de corne, monsieur Seguin. » »« Eh bien non, je vais t'enfermer dans l'étable et tu y resteras toujours. » Là-dessus, Philippe Seguin emporta Rémi Deval dans une étable dont il ferma la fenêtre à double tour. Malheureusement, il avait oublié la porte. Et à peine eut-il le dos tourné que Rémi Deval s'enfuit à Paris. Et nous voilà à l'âge adulte. Alors, dans la montagne, la chèvre entendit derrière elle un bruit qui faisait « ouh, ouh, c'était le loup ». Modifié. À Paris, Rémi Deval entendit derrière lui un bruit qui faisait « ouh, ouh, c'était une pute ». Phrase de fin, alors le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea. Ce qui donne, alors la pute se jeta sur Rémi Deval et le ruina. Voilà. Ils vécurent heureux, se marièrent et eurent beaucoup de morpions. Merci mamie. Alors, la suite, c'est théâtre La Petite Loge à Paris. Maurice. C'est aux 2 rue La Bruyère, dans le 9e arrondissement, métro Pigalle ou Saint-Georges. C'est la ligne numéro 12. Et le titre du spectacle ? Pigalle et les putes, merci. Non, c'est pas ça le titre du spectacle. Ne parle pas de putes. C'est Rémi, moi, non ? Rémi avec un hic. Et alors, je vois en plus qu'il y a un site internet, si nos auditeurs veulent aller voir ce qui se passe sur le site internet, remideval.com. Voilà, il y a plein de vidéos, il y a d'autres choses aussi que mon spectacle. Voilà. Des petits extraits, Rémi avec un I et Deval sans E. Et voilà. Le titre du spectacle, c'est Rémi avec un I. Que. Ique. Ah, Ique. Oh là là là. Catastrophe, Maurice. C'est pas possible, Maurice, quand même. Tu le fais exprès. Oui. Non, c'est naturel. C'est drôle. C'est ça qui est désolant. Quand même. Mais non. Bon, alors, dans quelques instants, Frédéric Coster va nous proposer son petit quiz. Ah. Est-ce que le petit quiz est prêt, Fred? Je sais pas, c'est toi qui l'as. Ah bon? Donc, c'est un petit quiz. Il faudra trouver des humoristes. Ah, bon, ça va être facile, alors. Oh. Peut-être. Bon, alors, on rejoue et on re-rigole dans quelques instants. Et toujours avec Rémi Deval. Ouais. Bravo. Retour, on va se marrer avec Rémi Deval. Ouais. Alors, on vous l'a annoncé à grand renfort de publicité. Voici venir le mini-quiz de Frédéric Coster. C'est vrai qu'il y avait des grands encarts dans la presse. Donc nous allons jouer avec des humoristes cette semaine. Ah, il y a 8 humoristes. Des humoristes, des gens qui font rire, qui ont de l'humour. C'est les gens qui essaient de faire rire. Donc il y a 8 noms à trouver. Ah. Vous allez entendre des extraits de sketch. Il y en a pour toutes les générations. Je suis désolé, ce micro est mauvais, j'y peux rien. C'est toujours la faute de la technique, bien sûr. Il y en a pour toutes les générations. Il y a des vieux, il y a des jeunes. Et Bob, le premier extrait qu'on va entendre... C'est pour moi. Non, c'est le jingle. Oh là là. Ah là, pour l'instant, vous notez, on ne dit rien. Ah d'accord, on dit rien. Non, là, il faut noter. Ah, je sais pas si c'est la chaleur ou quoi, je suis complètement pétée en ce moment. Ah, si, si, excuse-moi, ça me revient en causant. Ah oui, j'ai mis pour commencer. Mon Johnny, je t'aime. Mon Johnny, je te veux. Oh, t'es en forme, chaud, mais pas fatigué. Non, ça suffit, va prendre ta douche et reviens demain. Bon, 6h, on est demain. Ouais. Ah non, allez, va dormir un petit peu quand même, allez. De la viande et des patates. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Un filet de bœuf. Et après, un pavé de bœuf. Et ce soir, une côte de bœuf. Et comme légume, une patate. De longs jumeaux, tous. Vous leur demandez d'où ils viennent, ils répondent toujours longs jumeaux. Il doit y avoir un nid là-bas, je sais pas. Moi, je sais pas, je connais pas la banlieue, hein. J'y suis jamais allé. Vous me direz qu'il n'y a pas besoin d'y aller pour connaître, hein. Aujourd'hui, il y a plus de films et de reportages que de bus qui t'y emmènent, alors. Bernard, je fais ce que je peux, hein. Mais j'aime pas, ça me fatigue en plus. Puis ça me fait mal au coude. Et c'est toujours la même chose avec toi. Alors demande-moi de faire un clafoutis ou une folle meunière, je veux bien. Mais ça, ça me fatigue. En plus, tu sais très bien que je suis pas du matin, hein, moi. Non mais qu'est-ce qui est mou, j'entends, c'est mou. La casserole est molle. Mais où vous l'avez trouvée, cette casserole? Sous l'évier. Mais sous l'évier, c'est tous les récipients qui sont plastiques. Alors forcément, si on les mettait sur le feu, elles fondent, la casserole. Passe-moi Pascal, passe-moi Pascal. Tu t'en vas? Ah ben va-t'en. T'as qu'à me tuer pendant que tu y es. Hein? Quoi tu y es? Hein? Tu reprends ta liberté? Mais tu sais rien faire, ma pauvre fille. Je te rappelle que faire des chèques, c'est pas un métier, hein. Mais je dois dire qu'elle m'avait prévenu très gentiment. Elle m'avait dit, vous allez voir, c'est une fermette à retaper. J'ai tout de suite vu, d'ailleurs, qu'elle avait déjà été tapée un bon coup. Un obus. Alors, j'ai acheté les pans, et mon Dieu, je suis content comme ça, parce que le soir, quand je sors du théâtre, je rentre chez moi, et là, je dors à l'air libre. Puisque le toit, on s'en est servi pour finir la cuisine. Mais... Il y en a des pas faciles. Ah là, il y en a qui n'y a pas que des faciles. Ah bah, dis donc, c'est aussi bien que ton score. Le ce dernier, soir, c'est l'amoureux, le dernier. Ah, bah, on n'en est pas là. On va Bon, alors. Ça, alors... t'as trouvé? Non, non, j'en ai pas. Ah bon, alors, on va demander d'abord à notre invité. Alors, Rémi, combien tu en as trouvé? Sur les 8, 6 sûr. Ah, moi aussi, 6. Ah, d'accord, ah, moi j'en ai trouvé. Combien, GG? Moi j'en ai trouvé 3. Manu? 6. 6. 3, 4. Ah, bah, 3 ou 4? Moi j'en ai 4. Il y en a deux que j'arrive pas à me mettre. Ah, la 5 et la 7 que j'ai pas. C'est deux anciens. Que j'ai pas trouvé. Oui. Bon. Alors, ben, on va la décomposer. Hein. Oui. Mais on va laisser la priorité à notre invité quand même pour donner ses réponses, évidemment. Alors, on y va. Oui, mais la première, c'est la plus facile. Alors, donc, c'est parti. Donc, Bob, le premier. Ah, ben, c'est pas moi l'invité. Le premier, Bob. Ah, c'est joli. Non, c'est joli. Oh là là. Oh, Chantal. Chantal. Mais t'es nul, hein, Chantal. Ah, mais c'est le. Ah bon. Ah, bah, quand même. Voilà. Ah, je sais pas si c'est la chaleur ou quoi, je suis complètement pété en ce moment. Sylvie Joly. Ah oui, ah, bravo. Oui. Bravo. Bon, si, excuse-moi, ça me revient de cause. Ah oui, j'ai mis pour commencer. Mon Johnny, je t'aime. Mon Johnny, je te veux. Oh, t'es en forme, chaud, mais pas fatigué. Bah, ça, c'est simple, hein. Oh. C'est Danny Boone. Oui, oui. Oh, oui. Excellent, oui. Danny Boone. On revient demain. Bon, 6h, on est demain. Ouais. Non, allez, va dormir un petit peu quand même, allez. De la viande et des patates. La fameuse Florence. Ah oui, eh oui. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Un filet de bœuf. Florence. Il savait pas déjà. Et après, Philippe n'avait pas trouvé. Après, c'est pas l'animateur de télé. Moi, j'avais mis Chazelle. Après, c'est le sosie de Philippe. Oui. C'est un animateur de télé. Et comme légumes. Non, non. Laurent Ruquier. C'est ça. Vous leur demandez d'où ils viennent, ils répondent toujours. Voilà. Long jumeau. Ah oui, Laurent Ruquier. Laurent Ruquier. Ah oui, mais il dit ça parce qu'il devait présenter sûrement. Non, mais le timbre de la voix. Sa voix. Doit y avoir un nid là-bas, je sais pas. Moi, je sais pas, je connais pas la banlieue. J'y suis jamais allé. Ah oui, pas besoin c'est... d'y aller pour connaître. Hein. Laurent Ruquier. Aujourd'hui, là, c'est il y a Ruquier, de films et de reportages que c'est bus Ruquier, ça. Qui t'y emmène, alors. Bernard, j'en fais ce que je peux. Ah, attends, parce que toi, je vois que t'as trouvé, mais pas les autres. Ouais. Moi, tête, j'ai mais pas trouvé. Mais la voix, non, attends, connais, tu peux me le repasser une fois? Parce qu'il est un non, peu mais plus tu long. La connais, tu la mais connais. Mais j'aime pas, ça me fatigue en plus. Ah, puis c'est, ça me fait mal au coude. C'est pas Zouk. Et c'est toujours la même chose avec mais toi. Si, elle fait le sketch, tu sais, quand elle est sur la table. Elle est sur la table avec son mari qui est derrière. Voilà, qui est derrière en train de la prendre. La petite belge là. C'est, ouais, c'est ça. Et en fait, mais son nom, par contre. Alors, Rémi? Virginie Hoc. Eh oui, Virginie Hoc, excellent. Mais c'est excellent. En plus, tu sais très bien que je suis pas du matin, moi. Non, mais qu'est-ce qui est mou, j'entends, c'est mou. Ah oui, là, ça c'est connu. La casserole, il a un air à Christian Clavier, je trouve. Non. Boudoni. Les pattes à la Boudoni. Ça, c'est Métayé. Alex Métayé, bravo, Métayé. Les pattes à la Boudoni. Alors, forcément, si on les met sur le feu, elles font la casserole. Passe-moi, Pascal, passe-moi, Pascal. Celui-là, il est très difficile. Le 7, j'ai pas trouvé. Sauf pour Rémi qui l'a trouvé. Hein? Quoi, tu y es? Hein? Tu reprends ta liberté? Non, ça. Non, moi j'ai pas. Alors, moi j'ai pas. Non, mais je vois pas qui c'est. François-Xavier de Maison. C'est qui a joué avec Coluche? Oh là là! Celui qui a joué avec Coluche! Bravo! Ah oui, oui. Dans le film d'Antoine de Coluche. Ouais, enfin, ça fait un fiasco, on connaît pas. Mais je dois dire qu'elle m'avait prévenu très gentiment. Elle m'avait dit, vous allez voir, c'est une fermette à taper. Pierre Doris. Ça, c'est l'amoureux, bien sûr. Alors, tu l'avais trouvé ou pas? Ah l'amoureux. Oui, j'avais marqué, oui. L'amoureux. Robert, l'amoureux. Robert, l'amoureux. Il a, est-ce qu'il avait trouvé... Je sais pas. Non, il hésitait. J'ai écrit vieille humoriste. Oui. Ah non, il n'est pas jeune. C'était bien, Robert, l'amoureux. Bravo, Maurice. Eh bien, bravo, Maurice. Eh bien, moi, j'en avais qu'un. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'adore Robert, l'amoureux. Excellent, excellent, Robert. Moi, je m'as toujours fait chier. Mais toi, dès que ça parle, tant que ça parle pas de pute. Oh. Ben, on va vérifier. Un bedos, un bedos. Enfin, moi, j'avais trouvé que Sylvie Jolie, c'est tout. Bon, voilà. Ah, bah oui, tu connais que les vieilles. Eh ben oui, bon, moi, les vieilles, elles existent encore. Non, je corrige. Il ne connaît que les vieilles alcooliques. Ah oui, c'est vrai. Mes copines. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. Elle a tourné de blague. Alors, c'est un blanc qui rentre dans un bistrot. Il demande à la serveuse une bière, il va s'asseoir à une table, et sur la table, il voit des traits. Donc, il demande à la serveuse, mais c'est quoi les traits la serveuse lui répond, eh bien, c'est une bande de noirs qui est venue hier. Ils ont posé leur sexe sur la table et ils ont fait des traits pour à la longueur. Le mec, ah bon, alors... Et puis, il est quand même un peu intrigué, donc il sort son paquet, il le met sur la table, et il s'aperçoit que ça dépasse les traits. Alors, il est super content, il appelle la serveuse et venez voir, moi je dépasse les traits. Et la serveuse, je fais, oui, mais les noirs, ils étaient l'autre côté de la table. Alors, pourquoi les femmes de San Francisco ne portent jamais de mini-jupes? De San quoi? De San Francisco. Ah. Ne porte jamais de mini-jupe. Parce que le maire est Gwyn. Non, parce qu'on ne veut pas voir leurs couilles. Voilà. Ah, bah, oui. Oh non! Ah Maurice, quand même, pour que notre invité, non, pour que notre invité, quand même, qui vient pour la première fois dans l'émission. Il mettra des archives. Il est tout blanc, il est choqué. Hein. Non, pas du tout. C'est toujours blanc, est-ce que tu toujours. Connais le numéro d'urgence? Non, je crois que tu connais aucun numéro d'urgence. Non, moi non plus. Non. Alors Maurice, un numéro d'urgence. 118-218. Non, il faut d'abord. Non, alors, mais passe-nous l'archive. C'est pas un numéro d'urgence. Parce que là, il fait sa coquette, il voudra mais pas nous faire. Mais pourquoi? Allez, c'est pas un numéro d'urgence. Alors raconte-nous un peu cette blague, Maurice. Quoi? Enfin, raconte-la. Alors, à Rémi. Quel est le numéro? Alors, connaissez-vous? Rémi. Je t'écoute. Connaissez-vous le numéro d'urgence des ostréiculteurs? Oh, excellent! Bravo Maurice! Bravo Maurice! Non, elle est passée. Bah non, c'est pas. Ah non, non c'est pas. Alors pas, c'est hein. Le 118 de 118. Oh, c'est oh non, moi j'applaudis pas parce qu'il l'a pas bien fait. Ouais. Alors Maurice, c'est ah bah si on peut l'oublier. Hein. Attends, il a quel bien est fait, le numéro des marins pêcheurs? Numéro de quoi? Numéro de téléphone des marins pêcheurs. Ça, c'est la on ne sait pas. Pour les on autres sait marins. Pas. Là-bas, c'est un 02 là-bas. 118-218. Hein? 118-8 et 218-8. Ah oui, donc 118 de 118. Là, c'est plus drôle, tu vois. Maurice! Mais Maurice, mais fais un effort! Oui. Mais le pire, c'est qu'il fait des efforts! Non, il va nous refaire parce la là, fin! Non, non, non! Non, mais la fin! Au moins, non, mais si, la Maurice, fin! Maurice, quand il est comme ça, il est à fond! Là. Mais non, mais la fin, au moins, pour qu'on ait un truc correct! Parce que je vois, tu vois l'ampleur des dégâts! Pourquoi les marins pêcheurs? 118 de 118! Oui, mais les marins pêcheurs ne font pas. 118 de 118! Voilà. C'est les ostréiculteurs qui oui, font mais des c'est Philippe qui lui a passé la blague. Ah, oui, alors, donc c'est là qu'il faut que tu te plaignes. Voilà, c'est là-bas, hein. Alors Maurice, une petite blague. Quel est le numéro des marins pêcheurs? Non, non, c'est pas. Dis des ostréiculteurs, c'est plus drôle. Des ostréiculteurs. Ah oui, t'as raison. Déjà, ah, oui. Déjà, alors Maurice, une petite blague. Oh merde. Oh merde. Un jour, on pourra faire une émission best-of avec que les archives de Maurice. Ah oui, voilà. Bon, Manu. Ah bah, je pense que là, on va faire 2h30. Hein. Une dame va faire remplir un formulaire administratif. Donc, elle rentre, le professeur lui demande « Bon, combien d'enfants ?»« 12. »« 12 ?»« Waouh, vous n'avez pas chômé, hein ?»« Bon, leur prénom ?»« Georges. » »« 12 enfants ont le même prénom. » »« Mais, attendez, comment vous allez les reconnaître ?» Ben, ils n'ont pas le même nom de famille. Ça se passe dans une entreprise et il y a la secrétaire, un cadre commercial et le chef du personnel qui n'ont pas le temps de manger parce qu'il y a beaucoup d'activités, etc. Donc, ils vont juste manger un sandwich ensemble sur le banc dans le parc juste en bas de la boîte. Et alors, arrivé près du banc, la secrétaire elle trouve une petite lampe par terre. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend la lampe et puis, bien sûr, elle la frotte hein, pour la nettoyer un petit peu. Et, il y a un génie qui sort de la lampe et qui dit « Bon, d'habitude, j'offre 3 vœux à celui qui me trouve, mais là, vous êtes 3. Donc, ça fera 1 vœu chacun. » Alors, la secrétaire, elle dit « Ah, oh, moi, je voudrais me retrouver sur une île paradisiaque, entourée d'hommes beaux, musclés, de ne pas avoir de problèmes financiers et respirer le bonheur. » Hop, elle disparaît. Magnifique. Le cadre commercial, il voit ça, alors il dit je voulais faire la Philippe, alors moi je voudrais me retrouver moi je voudrais sur la Côte d'Azur avoir une notre fille n'est pas comme ça. Moi je voudrais me retrouver sur la Côte d'Azur, avoir une magnifique femme, une voiture de sport, une maison sur la plage privée, et ne pas avoir de soucis d'argent. Pas de problème, hop, il disparaît. Vient le tour du chef de personnel. Alors allez-y, c'est à vous, quel est votre vœu ? Moi, je voudrais que ces deux feignasses soient de retour avant 14h. Quel con ! Oui, alors oui. Rémi Demal, une petite blague. Alors c'est 3 cons dans le désert. Ah. Le premier qui dit... Regardez, si on a faim, j'ai apporté des sandwichs. Ouais ouais. Le deuxième, regardez, si on a soif, j'ai amené une gourde. Ouais. Et le troisième, regardez, si on a trop chaud, j'ai apporté une porte de voiture, on pourra baisser la vitre. Alors c'est une vieille qui croise un mec dans la rue qui dit « Mais dites donc là, vous me donnez quel âge ?» Hein ? Les jambes 30, les bras 25... Les seins 35 et le visage 30, hein, bon. Ah, mais c'est gentil, vous me flattez. Attendez, j'ai pas encore fait l'addition. Bon, alors, dans quelques instants, si vous êtes sages... Oui, mais si vous êtes sages... Uniquement si vous êtes sages, nous aurons un deuxième extrait du spectacle de Rémi Deval. Restez là, on revient. Retour, on va se marrer avec Rémi Deval. Ouais. Alors, Rémi Deval, on vous l'a dit, il est à l'affiche du théâtre La Petite Loge à Paris. Alors, Rémi Deval, vous l'avez entendu tout à l'heure, il y a du rire, mais il paraît qu'il y a aussi des chansons dans le spectacle. Bah, disons qu'il y a plusieurs personnages et parmi eux, il y a un personnage qui chante. C'est pas vrai. Ouais. Mais est-ce qu'il est là aujourd'hui, ce personnage qui chante ? Il est là. Non mais j'hallucine. Rémi Deval. Oh, c'est chiant. Le petit doigt de pied dans le pied du lit, c'est super chiant. La poubelle trouée pleine de purée, c'est super chiant. Les voisins du dessus qui se montent dessus, c'est super chiant. C'est super chiant. Les petits trucs chiants, on est avec, on fait avec, on meurt avec, on les évite, ils reviennent vite, ils nous niquent. Les gens qui doublent aux caisses de dés, c'est super chiant. Les doigts dans le mixeur, encore branchés, c'est super chiant. Les gens qui meurent de la grippe porcine, c'est super chiant. C'est super chiant. Les petits trucs chiants, on est avec, on fait avec, on meurt avec, on les évite, ils reviennent vite, ils nous niquent. La crise financière, le 25 décembre, c'est super chiant. La télécommande qui n'a plus de pile, il faut se lever, c'est super chiant. Les pâtes égouttées à la casserole penchée, et pof, dans l'évier, c'est super chiant. Les petits trucs chiants, on est avec, on fait avec, on meurt avec, on les évite, ils reviennent vite, ils nous niquent. Bon. J'ai été voir un médecin qui m'a dit, ce n'est rien, c'est une question d'expression. Change un mot, dis que c'est rigolo. Le petit doigt de pied dans le pied du lit, c'est rigolo. La poubelle trouée pleine de purée, c'est rigolo. Les voisins du dessus qui se montent dessus, c'est rigolo. C'est rigolo. Les gens qui doublent aux caisses de dés, c'est rigolo. Les doigts dans le mixeur encore branchés, c'est rigolo. Les gens qui meurent de la grippe porcine, c'est rigolo. C'est pas rigolo. Les petits trucs chiants, on est avec, on fait avec, on meurt avec, on les évite, ils reviennent vite, ils nous niquent. C'est la fin, là, c'est la fin, de toute façon, c'est chiant. Non, non, c'est chiant, c'est chiant. C'est mieux qu'il du taille, hein. Alors, un nom à retenir, celui de Rémi Deval. Merci. Quel talent. Tous les dimanches, lundi et mardi soir, à Paris, au théâtre de la Petite Loge. On adore ce théâtre. En plus, on adore toute l'équipe de la Petite Loge. Mais super sympa, vraiment, vraiment. Ils sont tous petits théâtres très mignons. Ah, mais c'est vrai qu'en plus, on adore ce petit théâtre. Et bientôt en tournée. Bon, alors, dans l'émission, il y a une épreuve que nous n'avons pas encore faite. Ah. C'est le multi-quiz. Ah. Mais je ne m'humilierai pas une fois de plus. C'est déjà fait. Non, on l'a pas fait ce soir, le multi. Non, mais humilié, oui, il l'est depuis le début. Alors, en 1 minute 30, voilà. Chronomètre en main, 1 minute 30, donner un maximum de bonnes réponses sur un quiz qui, ce soir, peut être ou musical ou uniquement question. C'est vous qui allez décider. Bob, GG et Maurice, vous allez pouvoir choisir entre un droit de vivre. Simpson. Prenez Stargate. Oh, merci. Ah oui, Georges Brassens. Ah, oh, quelle horreur. Donc c'est avec des extraits. Ah si, c'est bien Georges Brassens. Chanson française, encore avec des extraits. Ça, c'est pas comédie musicale avec des extraits. Ou la Staga Star Wars. Ah bon, là, y a pas ça, c'est pour Bob. J'aimerais bien les chansons françaises. Bah oui, bah, tu vas prendre ça parce que. Oui, oui, chanson française. Oui, bah dis oui, de toute façon, t'inquiète pas, ça y est, elle s'est rendormie là. Alors, chanson française en 1 minute 30, c'est encore une fois l'équipe qui marque le plus grand nombre de points. On dit quelque chose. Ah non, on dit rien. C'est parti. Quel chanteur français a ainsi été transposé en jazz? Charles Aznavour. Non, pas du tout, ça non. C'est celui qui joue de la guitare là, on l'a dit tout à l'heure là. Brassens. Bonne réponse. C'est truqué. Qui a chanté cette chanson? Oh putain. Oh non, Philippe. Mais c'est une blague. Sardou. Oui. Pas Sardou. Sardou. C'est honteux. C'est truqué. Je sors. Non, c'est pas truqué. qui est le créateur de cette chanson reprise par Joe Dassin. Le navire est à quai, il y a des tas de paquets, des paquets posés sur le quai. Je connais pas. Brassens. Non. Mais alors non. Vous nous proposez. Non, c'est pas Brassens. Mais non. Non, non. Je sais pas. 1 minute 30. Hein. Donc si vous savez pas, on passe. On passe, on passe. C'était Gilbert Bécaud. Ah merde. Ah oui. Mais oui. Ah oui, ça y est, tu te rappelles qu'on l'a dit la semaine dernière. Oui, c'est vrai. Barbara. Alors. Barbara. Oui, c'est. C'était oui. Barbara. Oui, bonne Barbara. Ah, bon. Barbara. Allez, et là, qui chante ? Préfère qu'on creuse à la pelle-mêle, tout bien pesé. S'il faut creuser. Vous savez pas où vous passez ? On connaît pas. Un adolescent ? C'est Ronan Luce. Ah, c'est ça, c'est un ado. Vous savez pas vous passez parce que. Quelle raison, je crois. Mais bien sûr que. Alors. Quand je pense à elle. De drôles de choses se passent. Qui chante? Parfois, j'ai pas de Benabar là, je supporte pas. Non, non. C'est le fils de. Le Dutronc, oui. Thomas Dutronc. Vous nous dites Thomas Dutronc et c'était Benabar. Connasse! Connasse! Bravo! Bravo! Trois bonnes réponses. Je peux pas le blairer, mais donc, comme je peux pas le blairer, je sais savoir. T'as tort parce qu'il est très sympathique, Benabar. Eh ben, moi je l'aime pas. Oh. C'est honteux. Donc, trois bonnes réponses, quand même. C'est ton droit. C'est mon droit. Pas du tout. De fumier. Alors, à vous de choisir un questionnaire. Vous avez le choix entre les Simpsons. Ouais, super. Georges Brassens. Les comédies musicales. Ah, si, ça y est. La saga Star Wars. Saga Star Wars. Ou les fromages. Bon, alors, les Simpsons. Choisis, et peut-être que j'aurai des idées. Georges Brassens, les comédies musicales, la saga Star Wars ou les fromages. Les fromages, attends. C'est l'invité qui choisit. Bon, bah, allez, les comédies musicales. Ah, bah, allez, les comédies musicales, donc c'est aussi un questionnaire musical. C'est parti. La première de la comédie musicale Cats a eu lieu à New York, à Londres ou à Amsterdam. Moi, je dirais que c'est en Angleterre. Je sais pas. Je pense que c'est en Angleterre. Ouais. C'est Londres. Vous dites Londres, et c'est une bonne réponse. C'est Barbara qui chantait là. La mise en scène de Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte, est signée Elie Chouraki, Robert Hossein ou Kamel Wally. Non, oui, ouais, ça va être Kamel Wally encore. Non, mais tu devrais leur dire. Non, ouais, c'est Wally, ouais, c'est Wally. Kamel Wally, bonne réponse. Le film musical La Môme, en hommage non, à pas Edith la Môme. Pia. La Môme. La Môme. Il y a un accent. Est sorti en quelle année? Il y a 3 ans, Dream 5. 2005. Non, plus Fred. Après 2006. C'est après 2006. 2007, c'est tu dis toi? Je dis 2007. Ouais. 2007, c'est une bonne réponse. Oh! Dans le film Moulin Rouge, on retrouve un titre d'Elton John. Lequel? Your Song, Blue Eyes ou Song for a Guy? Alors là, je sais pas du tout. Donc, ah, c'est celle qu'on entend là? Ah bah oui, ça va être simple. C'est Your Song alors. Your Song. Et c'est une bonne réponse! Il le dit! Le Roi Soleil, extrait de Je fais de toi mon essentiel, est chanté par. Par un con. Emmanuel Moir. Ouais, Emmanuel Moir. Emmanuel Moir, ouais. C'est une bonne réponse. La chanson Maria est extraite de quelle comédie musicale? West Side Story. West Side Story. Bonne réponse. Pascal Obispo a coécrit la comédie musicale Les Dix Commandements. Vrai ou faux? Oui, vrai. Bonne réponse. Eh bien, c'est terminé. Oui. Ah bah, je crois que là, hein. Là, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que. Parce qu'il faut trouver le bon trou. Parce que je dois dire que vous avez donné 7 bonnes réponses. Sur 7. Alors que l'équipe des naturistes n'avait donné que 3 bonnes réponses. Donc le point. Oui, enfin, avec les questions à la con qu'on a eues, comme d'habitude. Oui, vous qui avez choisi. Si tu avais un peu de mémoire, tu te serais rappelé les réponses de la semaine dernière. Donc le point va au voyeur. Ouais, Alzheimer précoce. Et l'animateur de cette émission aussi. Prenez, donne-moi un coup à boire parce que je vais. Parce que je suis pas le genre à m'énerver, mais faut pas déconner quand même. Dans quelques instants, ça sera la dernière session de l'émission avec la dernière maxi tournée de blagues. J'ai mal à la tête. À tout de suite. Aujourd'hui, avec Rémi Deval. Ouais, ouais. Bravo. Alors, Chose promise, chose due, voici la dernière maxi tournée de blagues. Ouais, c'est pas comme Sarkozy. J'ai 41 mois. Parce que Sarkozy, c'est chose promise, chose due. Et maintenant, on va se marrer. C'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Et pour commencer la tournée de blagues, une question à Maurice. Maurice, un animal d'Afrique très populaire sur l'antenne de cette station. C'est un zèbre. Ah, et un donc tu avais une histoire avec le zèbre, je oui, crois. Oui, quelle est la différence entre un zèbre et un barman? Ah, on ne sait pas. Le zèbre a des barres autour de son trou du cul, alors que, alors que le barman a des trous du cul des... autour de son au-dessous de son bar. Non, refais. Attends, mais regarde, on n'a rien compris. On n'a rien compris. C'est pas fait. Non. Il est à fond encore aujourd'hui. Non, alors, encore une pour le best-of. Non, pour le best-of, celle-là. Alors un jingle pour parce que la face, on va faire un montage, on coupera quand même pour pas te ridiculiser quand même. Alors un jingle. Voilà. Allez, alors Maurice, une petite question. Un animal d'Afrique populaire sur cette antenne. Alors c'est un zèbre. Ah oui, un zèbre. Pourquoi? Pourquoi? Alors quelle est la différence entre un zèbre et un barman? Ah non, c'est pas. Le zèbre a des barres autour de son trou du cul, alors que le barman a des trous autour de son autre. C'est pas facile, c'est pas facile. Mais il n'y arrive pas. Mais, lis. Mais n'insistez pas. N'insistez pas, il n'y arrive pas. Mais il n'y arrive pas. Il faut répéter avant. Même en répétant, ça fait 6 mois qu'il répète. Mais même de lire la recette de la salade de tomate, il saurait pas le faire. Comment fait-on une mayonnaise? Avec des œufs. Ça c'est déjà un bon commencement. Bon allez, attendez. En régie, si on peut recommencer, parce que quand même, alors, jingle. Oh, Maurice, une petite blague. Ouais. Alors, une petite blague, tu as, je pense que tu avais une des nouvelles d'un animal d'Afrique. Le lion, allez. Quelle est la différence entre un zèbre et un barman? On ne sait pas. C'est le micro. Personne ne sait. Allez. C'est là que c'est le plus dur. Ah ouais. Lance-toi. Alors cette différence, Maurice. Arrêtez. Comme disait, c'est là que c'est le plus dur, comme disait la jeune mariée. Allez. C'est là que c'est. Allez, le zèbre a des barres autour de son trou du cul, alors que le barman a des trous du cul autour de son bar. Allez, c'est comme je le dis à chaque fois, mon cher Philippe. Oui. Bah, elle est con, cette histoire. Quel est l'animal qui n'a jamais soif? Ah, ça je sais pas. Le zébu. Mais... Hein? Ah oui, car quand j'ai bu, j'ai. Non. Et voilà! Et voilà! On en était sûr! Quand zébu! Quand zébu, j'ai plus soif! Voilà, c'est pour ça que je l'ai foiré! Oh non, mais c'est pas vrai! Voilà, il faut... Non, là, dans ces cas-là, comme l'émission. Mais il le fait pas exprès, hein? Un peu de montage. Et donc, forcément, on va demander à Maurice de la refaire, mais on va faire comme si on était les surpoids. Ah, d'accord. Oui, non, parce qu'il faut que tu la réussisses. Alors, Maurice, une petite blague. J'en peux plus. Quel est l'animal qui n'a jamais soif? Vas-y, Maurice. Hein. Le zébu. Pourquoi? Car quand j'ai. Non. Quand j'ai. Non. Non, on va décomposer, comme toi. Quand, vas-y, Maurice, rassemble-toi. Quand zébu plus soif. Voilà. Voilà. Alors maintenant, vas-y. Alors, Maurice, donc une blague de Maurice. Vas-y, Maurice. Une nouvelle, hein, Maurice. Oui. Non mais une nouvelle, hein, parce que sinon ça va pas être drôle. Ah bah oui. Une nouvelle. Non. Oui. Une nouvelle. Quel est le numéro des marques? Non, la nouvelle. La nouvelle. Celle-là, la nouvelle, oui. Voilà. J'ai bien fait de la sortir des archives, celle-là. Bien fait, Maurice. C'est la seule chose que t'as bien fait de sortir. Du mois de juin. Des archives. Tu sais qu'on en enferme en psychiatrie pour moins que ça. Non mais lui, il s'est sauvé, hein. Bon, je peux y aller là. Oui, oui, oui, parce qu'on la connaît pas. Attendez, une blague, une nouvelle blague. L'antenne est pour toi, Maurice. Ouais. Ça sera coupé au moins. Oui, bien sûr. Bah, bien sûr. Oui, bien sûr. Quel est l'animal qui n'a jamais soif? C'est-à-dire que si on continue, il va foirer quel? Eh oui. Ah là là, c'est pas possible. Elle tourne celle-là aussi. Hein. Bon, Bob. Ah oh bah c'est pas facile de passer derrière Maurice. Hein. C'est bien le seul à dire ça. Docteur, docteur. Respire. Docteur, je vais mourir bientôt. Docteur, combien de temps il me reste à vivre? Attendez voir. 10, 9, 8, 7, 6. Un mec passe dans la rue, des putes. Non, il en a, il en a costume. C'est combien la turlute? La pute, 30 euros. Oh mince, j'ai que 10. Bon, je te le file et en plus, je te donne mon portable. Ça te va? Elle réfléchit. Bon, allez, c'est ok. Le mec fait sa petite affaire, lui file les 10 euros, et la pute s'exclame. Et ton portable? Ah oui, 06 45. C'est pas sympa de donner le numéro de Maurice. Hein. C'est clair. Un travailleur en grève hurle devant l'usine. Les chefs, c'est comme les poils, j'en ai plein le cul. Et là, le patron qui passait, en fin de compte, à cet instant, répond. Les primes, c'est comme les couilles, elles sont suspendues. C'est une vieille dame qui est encore en pleine santé, mais qui est fatiguée de la vie. Elle en peut plus, elle en a marre. Elle a 90 ans. Elle a tout vécu. Elle a eu 2 guerres et tout. 15 présidents. Elle en peut plus. La grande guerre, 4 ans. Elle a 4 ans. Elle en a marre de la vie. Et puis, elle dit, bon, elle décide d'en finir avec la vie. Donc, elle ne sait pas trop comment s'y prendre. Et son défunt mari avait un pistolet. Alors, elle dit, j'oserais jamais me tirer une balle dans la tête quand même. Je vais me tirer une balle dans le cœur. Oui, mais il est où le cœur? C'est pas où il est. Donc elle appelle son docteur. Docteur, dites-moi, est-ce que vous pourriez me dire exactement où est le cœur? Ah, ben c'est très simple, madame. Votre cœur est situé environ 5 cm sous votre sein gauche. Ah, eh ben c'est quand même tirer une balle dans le genou. Alors, la blague de Rémi Deval. Alors, c'est un ver de terre qui, sortant de son trou, il voit un autre ver à côté de lui, et donc il engage la conversation. Beau temps, hein? Pas de réponse. Alors, un peu surpris, il poursuit quand même. Bah, espérons que ça va pas se gâter ce week-end. Toujours pas de réponse. Bon, remarquez, on n'a pas trop à se plaindre cette année, hein? Pas de réponse. Bon, alors le ver de terre, il rentre dans son trou en grommelant. Ah, bah, ça y est, j'ai encore parlé à ma queue. Tu peux en dire une, moi? Oui, bien sûr, Maurice, bien sûr. Oui. Qu'est-ce qui est tout rouge et qui tape à la vitre en hurlant? Un bébé dans un micro-ondes. T'as bien fait de la faire. Cette émission s'est bien déroulée jusqu'à présent. Alors, ces deux petits PD. Ah, ben c'est bien ce que je disais. Il y avait longtemps. Ben pourquoi tu fais un mouni. Alors, qui se suivent dans un escalier. Après avoir été mangé dans un restaurant du Sud-Ouest, un maxi cassoulet. Il y a le premier, évidemment, les haricots commencent à faire effet, qui ne peut pas se retenir et qui lâche un vent. Donc, c'est généralement, je fais un bruitage. Hein. Oui, bah oui, c'est ce que j'ai dit. Bien, bonjour. Et il y a celui qui est derrière qui fait Love is in the air. Surtout, un nouveau Love is in the air. Attends, excuse-moi. Love is in the air, s'il a cette odeur-là, c'est pas engageant. Fifi, oui. Tu sais qu'il y a un nouveau Viagra. Ah, c'est de l'eau chaude. Ah bon, pourquoi? Ça fait durcir les œufs, ça fait grossir les saucisses et ça fait ouvrir les moules. Ben non, ça va être moins cher, disons le Viagra d'un coup. Bon, alors, il y a une chose importante à noter dans l'émission. C'est qu'il faut aller voir d'urgence le dimanche, le lundi et le mardi à 20h. Parce qu'il est malade, non? Non, non, pas du tout. Tout va bien, tout va bien. Il faut y aller d'urgence parce que vous, maintenant que vous avez écouté l'émission, vous allez avoir envie d'y aller. Ah bah oui. Rémi Deval. Ah, oui. Alors, c'est au théâtre de la Petite Loge, 2 rue La Bruyère, Paris 9e, métro Saint-Georges. Ah. Et alors, devant la Petite Loge, il ne faut surtout pas se garer car il y a... un couloir de bus. Non, il y a un zébra. Comment... Donc, le spectacle s'appelle Rémi avec... un hic. Le public avec a suivi, hic. Lui. Il y a que avec le public un problème. Suit. Ah, non, ouais, mais c'est pas possible. Rémi avec un hic. Voilà. Donc vous l'avez compris, vous n'irez pas. Non, on l'a pas compris. Si vous n'irez pas à ce spectacle pour pleurer. Ah bah oui, ça on l'a bien compris. Voilà, on a bien rigolé. Ah oui, oui, il est et très drôle. Si vous voulez en savoir plus et avoir des extraits du spectacle, son site internet c'est remideval.com. Voilà, il y a plein de choses dedans. Est-ce que j'ai tout dit? Ben oui, vous avez tout dit. Alors on peut applaudir Rémi Deval. Merci bien, merci. Merci Rémi. Merci à Bob du club. Merci Bob. Oui, à bientôt les filles. Merci. Là, je vais toucher, il y a des gars. Ah, GG. Philippe, si tu dis le score, je ne te parle plus jamais. J'en suis pas encore là. Si tu merci. Dis le score, je ne te parle plus jamais. Et surtout, je te retire de mes amis Facebook. Ah non, ah non, pas ça. Ah non, pas ça. Alors, merci à Maurice. Ouais. Merci à vous. Merci à Manu. Mais de rien, de rien, de rien. Merci Manu. Merci à Frédéric Costel. Ah. Bravo. Dont les extraits de spectacles sont aussi sur internet, sur son MySpace. Oui, MySpace, Frédéric Coster, vous y allez. Ah oui. Merci à Davy qui a réalisé cette émission. Oh, Davy, oui. Et alors, les scores 2 à 7. Ah ben voilà. Donc l'équipe des voyeurs a été pulvérisée. Ah oui, oui, bah oui. Cher monsieur Vélo. Non, non, non. Cher monsieur connard de vélo. Alors, trois choses importantes Frédéric a rappelé à nos auditeurs. Mmh. Si vous voulez réécouter l'émission, entendre les vieilles émissions, site internet. Comme ça, vous verrez qu'on gagne plus souvent que les autres vieux qu'on en fasse. Onvasemarrer.com. Mmh. Sinon, la page Facebook. On va se marrer. Vous choisissez On va se marrer. Et vous demandez à être inscrit au groupe. Et si vous êtes de la famille de Bob, GG ou Maurice, vous serez refusé. Et puis, autre chose importante... Sur iTunes, voilà, iTunes, pour avoir les podcasts dès leur sortie, pour un prix modique de 0 francs, 0 centimes, 0 euros. Une chose quand même qui m'a étonné, c'est que compte tenu du score qu'a fait ton équipe, tu n'es pas proposé une solution avec Eugène. Ah oui, moi ce que je propose, c'est que maintenant, on refait le match. Non, t'as perdu et puis c'est tout. Allez, merci de ma fidélité. Rendez-vous la prochaine fois. Oui, peut-être. Cher monsieur Bédé. Une production Radio Plus.